social, tu as perdu ton sang-froid. Tous des moutons, moi les gens sont des pisse-rois. Antisocial, tu me fais rigoler. Aux élections, tu t'es bien fait niquer. Antisocial, les baisers, comptez-vous. Les politiques, ce sont tous des voyous. Antisocial, ils t'ont guillotiné. Royaume facho et ses chiens policiers. Antisocial des années sarkozistes. Antisocial des années de sévices. Antisocial la milice à Besson. Faire son papier, c'est la déportation. Antisocial, tu as perdu ton sang-froid. Tu t'es vendu pour un écran plasma. Antisocial, l'Elysée de l'ordure. Un enfoiré te parle d'ouverture. Social, les Français sont des veaux. Tous des cocus, génération bobo. Antisocial, l'Elysée de l'ordure. Un enfoiré qui parle d'ouverture. Antisocial, dans tes prisons de la mort. Justice de merde, on se suicide encore. Antisocial, les flics, les CRS. À coups de matraque sur les pauvres en détresse. Social, tu as perdu ton sang-froid. Tous des moutons, les gens sont des pisse-rois. Antisocial, tu me fais rigoler. Aux élections, tu t'es bien fait niquer. Antisocial, les baisers, comptez-vous. Les politiques, ce sont tous des voyous. Antisocial, ils t'ont guillotiné. Royaume facho et ses chiens policiers.